Moi, mon père voulait devenir athlète professionnel, ou bien boxeur ou joueur de football. Maintenant, il est vice-président d'une grande banque internationale. Le sport mène à tout. Et tous les chemins mènent à Rome, comme dit ma tante Georgette. On parle toujours dans la famille d'un ami qui était sûr de voir un jour son fils ambassadeur. Et dans les fils en question est représentant d'une maison de jouets. Et mon beau-frère, Jean-Denis, le mari de ma sœur Cécile, voulait être routier pour conduire des camions énormes, un de ces 20 tonnes avec 9 ou 10 paires de pneus qui filent à toute vitesse dans un nuage de gasoil. Eh bien, vous savez ce qu'il fait à présent? Il dessine des bijoux chez un bijoutier de la place Vendôme. Moi, mon père voulait devenir athlète professionnel, ou bien boxeur ou joueur de football. Mon père voulait devenir athlète professionnel. Ou bien boxeur. Ou joueur de football. Qu'est-ce que le père de Robert voulait faire quand il était petit? Il voulait être athlète professionnel. Maintenant, il est vice-président d'une grande banque internationale. Il est vice-président d'une grande banque. Il est vice-président d'une grande banque internationale. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est vice-président d'une grande banque internationale. Le sport mène à tout. Le sport mène à tout. Quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer? Le sport mène à tout. Mon beau-frère, Jean-Denis, le mari de ma sœur Cécile, voulait être routier. Mon beau-frère voulait être routier. Il voulait être routier. Mon beau-frère voulait être routier. Qu'est-ce que Jean-Denis voulait être quand il était petit? Routier. Eh bien maintenant, il dessine des bijoux chez un bijoutier de la place Vendôme. Il dessine des bijoux, des bijoux. Il dessine des bijoux. Chez un bijoutier, chez un bijoutier. Il dessine des bijoux chez un bijoutier de la place Vendôme. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dessine des bijoux